Alors vous êtes chaud les gars? Totalement, clairement. Chaud comme la braise. T'animes Vincent? Non, non, mon micro est trop pourri, on va rien entendre. T'es sérieux là? Bah ouais. Seb, tu te mets à l'animation alors? Bah, je peux pas, j'ai pas l'expérience là-dessus, j'ai jamais fait moi. Moi je suis exactement dans le même cas que toi. Hein. Y a pas Pierrot? Bah non, il est pas là ce soir. Les gars, je suis là, si vous voulez, je peux le faire. C'est qui, c'est Gus? Ouais. T'es encore là, toi? Bah oui, je suis juste un petit peu très très occupé personnellement, mais oui, il n'y a pas de souci, je peux le faire pour un one shot si vous voulez, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai de l'expérience, j'ai animé l'émission pendant 2 ans, je suis l'animateur historique du podcast, donc ouais, il n'y a pas de souci, moi je peux le faire. T'es bien au courant de l'invité du jour? C'est Jeff Jarrett? Sur ce, j'arrête. C'est pas Jeff Jarrett? Eh hey, les gars! Les gars, mais dites-moi qui c'est! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Wessels Interview. Il y avait bien longtemps que nous n'avons pas parlé français dans un podcast, encore moi je n'ai jamais parlé anglais vu le niveau tellement bas que j'ai. Moi c'est Gus et j'ai réussi mon coup d'état. Il est temps pour moi de vous présenter mes acolytes du jour. Commençons par le régional de l'étape, l'homme qui célèbre chaque année la chute du mur de Berlin, puisque c'est grâce à cela que ses parents se sont rencontrés, Sébastien. Je n'y échapperai donc jamais. J'espère que j'aurai un peu de soutien ce soir parce que j'ai un compatriote qui sera là avec moi. Mais en tout cas, bonsoir à tous. On reste dans le nord de la France avec celui qui boit du Picombière comme Gérard Depardieu boit du vin, c'est Vincent. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir, vu. Oui, ça dépend l'heure à laquelle vous nous écoutez aussi. J'ai pas envie de spoiler la catchphrase de Sébastien. Hein. Et allez, cette fois-ci, on va dans le sud de la France puisque l'autre camarade que je vais vous présenter n'est autre que la personne qui a dit I'm from Nice. Et you are fucking legend. La DDP, c'est Renaud. Salut Renaud. Salut Gus, salut tout le monde. Et je suis très heureux d'être là ce soir puisque notre invité, ça fait 15 ans que je le suis. 15 ans. J'étais là dès le début, avec la WCW. Eh bien justement, il est temps de l'accueillir, notre invité. C'est un invité qu'on attend depuis tellement longtemps, l'homme sans qui nous ne serions peut-être pas fans de catch, le gars qui dit très souvent hello to you quand il voit une très jolie fille dans le public de la WWE, hashtag Marie-Antoinette Style, c'est Christophe Ajus. Salut Christophe. Eh bien, bonsoir à tous et hello to you. Vous allez bien? Ça va très bien et toi? Ben, ça va, merci. Très bien. Eh bien Quelle nous. présentation, je suis au bord des larmes. Ah, c'est gentil. On est très très heureux de pouvoir enfin t'accueillir dans Wrestles Radio après DDP, Jeff Jarrett et d'autres grands noms comme cela. Cette fois-ci, c'est à ton tour. Oui, après des tentatives aussi Oui, peu après des fructueuses tentatives avec infructueuses. ma relation avec la technologie, qui est effectivement pas la meilleure, il faut. On va commencer cette interview. Alors même si on t'a posé 1000 fois la question, comment tu es devenu fan de catch et comment en es-tu venu à devenir commentateur? Je suis devenu fan de catch et en effet, on m'a posé plus de 1000 fois la question déjà en 15 ans. Mais je suis devenu commentateur fan de catch en regardant tout simplement le catch à la télévision. À l'époque, ça passait sur Canal+, tard le samedi soir. Je le dis souvent avant que les gens rigolent, mais il n'y avait pas encore de film pornographique quand je commençais à regarder. Il y avait un film d'horreur juste après. Et avec le fils de mes voisins, on regardait ça tous les samedis. Le catch et ensuite le film d'horreur. Et j'ai continué à regarder le catch adolescent, adulte. Et puis un jour, quand j'étais un jeune adulte, j'ai eu Internet et j'ai pu créer une newsletter. Cette newsletter a fait qu'on a regroupé quelques fans. On a envoyé des courriers à des chaînes de télévision et le groupe AB a fini un jour par me répondre en me demandant de faire de la publicité. Je le fais très rapidement puisque, comme je l'ai déjà raconté 1000 fois, vous n'aurez pas tous les détails et la mise en scène habituelle. En plus, c'est très compliqué. Je suis tout seul dans mon salon en train de tourner en rond. Donc, je me sens très ridicule. Donc, Ils m'ont envoyé un email pour me dire qu'ils allaient passer à la WCW, puisqu'il n'y avait plus de catch à la télévision à ce moment-là. Et ils m'ont demandé de faire la publicité dans cette newsletter, ce que j'ai fait. Et malheureusement, à la première émission, les deux commentateurs, en l'occurrence Philippe Chirot et un de ses collègues de l'époque, ne connaissaient rien du tout au catch et avaient vraiment beaucoup de problèmes avec le sport-spectacle qu'est le catch. Et j'ai renvoyé un email le lendemain en leur demandant s'ils avaient besoin de biographie ou d'informations. Et quelques jours plus tard, à ma grande surprise, ils m'ont dit non, mais venez à Paris faire un casting. J'ai fait le casting. J'avais une voix toute pourrie, une voix d'enfant. Le directeur de casting a dit, on peut pas le prendre, il a une voix de fille. C'est à quoi j'ai répondu, est-ce que j'ai le droit de sortir de la pièce avant que vous dites ça? Et Philippe Chirot a fini par dire, non, c'est bon, on va le tenter. Et voilà. Et depuis, cette voix de fille a disparu. Depuis cette voix, j'ai quand même pris, j'ai 15 ans depuis quoi. Mais le premier message, alors désolé pour les oreilles chastes qui pourraient être choquées par ces propos, mais sur le forum d'RTL 9, à la première émission, le premier message c'était « Qui est cette voix prépubère que vous avez mis à l'antenne ?» J'ai immédiatement proposé ma démission et ils m'ont dit « Non, c'est bon, on va rajouter des graves. » Mais les premières années, ça ne s'entendait pas du tout qu'ils rajoutaient des graves. Quel est ton rythme hebdomadaire de travail sur le catch avec AB1 et les DVD de la WWE? Mon rythme hebdomadaire de travail, en ce moment, c'est assez pauvre, entre guillemets. Il y a quelques mois encore, c'était presque quotidien. En ce moment, vu que les DVD de la WWE, pour l'instant, ne sont plus en français, on commente deux jours par semaine pour les Raw, les SmackDown et les Main Event. Évidemment, le dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, je ne sais pas quand vous diffuserez ça, mais il y a évidemment le Royal Rumble et il y a ces commentaires une fois par mois en pleine nuit qui sont très excitants à faire. Sinon, j'écris également dans Planet Catch, aussi un petit peu de temps. Quand même, je fais un peu de promo pour Planet Catch également, le magazine d'une passion, rappelons-le. Et voilà. Mais sinon, pour l'instant, j'avoue que j'ai le temps de faire d'autres choses, ce qui n'était pas toujours le cas ces dernières années. Juste pour revenir sur les DVD de la WWE, faut savoir que le distributeur européen, Christophe, tu me coupes si je dis des bêtises, mais le distributeur européen à l'époque était Silver Vision, jusqu'à peu près 2012. Tout à fait. Je ne te cache pas, mais je confirme. Et la première VF qui a été posée, c'était sur le pay-per-view, sur Survivor Series 2005. Depuis, il n'y avait plus de soucis, il y avait toujours la VF sur les DVD et tout. Et puis Fremantle a repris le flambeau, et au départ c'était très bien puisque les DVD ils étaient en VF, même les Blu-ray ils étaient en VF, et depuis quelques mois il n'y a malheureusement plus trop la VF. C'est dû à quoi, Christophe? C'est dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'achats de DVD en France? C'est dû effectivement principalement aussi parce que c'est vrai que le catch est forcément un peu moins à la mode qu'avant, et aussi évidemment parce que le DVD, plus personne n'achète de DVD, ou en tout cas pas assez pour que tout ça sorte. Déjà le Blu-ray ne sortait plus en VF parce qu'effectivement à Fremantle et dans les milieux autorisés de ces endroits, il se disait que la France, personne n'achetait des Blu-ray en France. Et voilà. Après, pour l'instant, Fremantle est encore en négociation, je crois, avec la WWE. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si ça va reprendre en VF ou si c'est effectivement définitivement terminé. Ok, d'accord. Donc, pour changer un petit peu, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton dream match, un match que tu n'as pas commenté, qui ne peut pas exister? Est-ce que tu as un dream match que tu aurais aimé commenter et qui ne t'est jamais fait, quoi, en quelque sorte? Tu parles de Kurt Angle, Bret Hart, par exemple, un truc comme ça, quoi. C'est pas le premier auquel j'aurais pensé, mais évidemment, ouais, ça aurait été effectivement classe. Sorti comme ça, je pense que dans ma vie, j'en ai eu 30 000 des dream matchs. L'un en 1900, enfin dans les années 90, il y en avait un qui avait finalement eu lieu à Heatwave 98. Je fais mon smart, mais bien avant que le mot existe dans le monde du catch en France. Avec Hayabusa et Shinsaki Akushi contre Sabu et Rovandam, à l'époque, je voulais voir ça de ouf. En ce moment, je suis peut-être un peu plus vieux ou moins dans l'état d'esprit. J'ai pas de match de rêve. Ça impliquerait, je sais pas, peut-être Macho Man contre un mec plus moderne ou contre Shawn Michaels, mais dans une version plus moderne ou des choses de ce genre-là. C'est vrai que je pense un peu moins à cet aspect-là du fanatisme de catch. Je suis peut-être un peu trop vieux, je suis peut-être blasé. Je rêve moins à ces matchs que je ne verrai jamais. Et dans le sens contraire, un match que tu commentes, que tu en as un peu marre quoi, de commenter, qui revient souvent et que tu recommandes et tu sens que c'est à peu près à chaque fois le même travail in-ring? Je sais pas. Peut-être Orton Senna, non? Bah ça va, il y en a pas eu 30 000 non plus, et on commente suffisamment de matchs avec Philippe pour finalement oublier très rapidement les combats, quoi. La WWE et le monde en général est un peu construit comme ça, quoi. Aussi vite regarder que c'est presque oublié. Si le clip de la, enfin s'il y a pas un clip en demi-dimension, on se souvient pas forcément de tout ce qui s'est passé la semaine d'avant, tellement ça va vite les trucs. Donc non, franchement, même pas en ce moment. Je sais qu'en plus, en ce moment, il y a énormément de matchs qui se répètent beaucoup, mais genre des Cena Rollins qu'on a beaucoup vu ces derniers mois. Mais j'ai pas l'impression de, ça me sautait beaucoup plus aux yeux à l'époque de Sunday Night Heats, par exemple, où le pauvre Val Venus, aka Serviette qui pue, en a pris pour son grade parce qu'il faisait le même match toutes les semaines et c'était insupportable, quoi. Ou comme quand on commentait trois semaines d'affilée Great Khali contre Finlay, Coffre à catch, voilà, ouais, des choses comme ça. Là, je trouve que ça va. Si parfois les histoires sont peut-être un peu répétitives, en tout cas les mecs dans le ring font quand même l'effort de se bouger les fesses. En tout cas à la télé et dans les shows principaux, c'est vrai que je regarde pas Superstar par exemple. Peut-être qu'il y a toujours le même match à Superstar, je ne sais pas. Personne ne regarde Superstar. Ouais. Et je te pose cette question, même si je me doute bien de la réponse, mais bon, faut la poser tout de même. Vous avez les commentateurs américains dans le casque? Oui, on a les commentateurs américains dans le casque, effectivement. C'est pas perturbant? Bah, ça dépend des personnes. Il y a des gens, effectivement, des commentateurs sportifs ou autres qui peuvent pas commenter avec quelqu'un d'autre dans le casque. Moi, je trouve que ça aide beaucoup. Ça nous permet de rester aussi spontané sur la fin. Ou sur les coupures pub, on entend les commentateurs les savent avant les coupures pub pendant les matchs par exemple, donc nous ça permet de, au ton de leur voix on sent que ça va bientôt arriver et on n'est pas obligé de, enfin on se laisse pas surprendre, donc ça permet de rester dans le flow et de continuer sans couper par exemple. D'accord. Et sinon c'est non, bon, ça me dérange pas. Ça vous arrive régulièrement de reprendre ce qui se dit dans les commentaires américains ou vous faites pas attention finalement? Ou rester dans votre monde et vous commentez en français? Je dirais que c'est un peu des deux. Je pense pas que ça nous arrive très souvent, mais il y a quand même parfois où Michael Cole où donne des informations ou des chiffres. Je repensais aux 12 éliminations de Reigns. J'avais oublié ça en haut et Michael Cole l'a dit et je l'ai répété. Mais sinon, c'est quand même assez rare et c'est d'autant plus rare des moments très intenses comme les pay-per-view ou ce genre de choses, quoi. Où là, on est tellement dedans qu'on n'entend pas du tout ce qu'ils disent. Ok, je voulais aussi savoir, avec l'arrivée du WWE Network en France, est-ce qu'il fallait craindre l'arrêt prochain de la diffusion des pay-per-views sur AB1? À ma connaissance, non. Mais, je sais que vous avez prolongé d'une année, je crois, mais après, au-delà, vous projetez déjà ou... Pour être très honnête, je ne suis pas dans les petits papiers de la direction du groupe AB, mais... Pour l'instant, ça marche très très bien et le groupe AB en est vraiment satisfait. Les audiences l'année dernière, notamment à WrestleMania, étaient assez exceptionnelles pour ces heures-là et pour une chaîne comme ça. C'était, enfin, je connais pas les détails, mais d'après ce qu'on m'a dit, si je connais les chiffres, mais après je connais pas toutes les audiences de la chaîne de toute l'année, mais je crois que c'était l'une des plus grosses audiences de la chaîne, tout horaire confondu, sur toute l'année, quoi. Oui. Donc ils sont assez contents de l'investissement et. Et donc, après, tout peut arriver. On est en période de crise. Les chaînes font des économies à tout va. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est toujours sous contrat. Et je ne sais pas s'ils vont continuer après, mais pour l'instant, ça va. Merci de demander. Allez-je dire. Vous réduisez d'ailleurs régulièrement le temps de diffusion entre les shows en direct et la diffusion sur AB1, passant de 15 minutes à 10 minutes de décalage. Jusqu'à où on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à, par exemple, aucune minute de décalage? Pour être très honnête, je me bats pour que ce soit un jour le cas. Le problème après, c'est qu'il y a énormément de problèmes techniques que moi je ne maîtrise pas et que parfois ce sont pas forcément faciles à maîtriser. D'autres aussi légaux. Ça paraît stupide, mais c'est vrai que les publicités clandestines, il faut y faire attention et donc le groupe AB doit mettre les moyens en œuvre pour y faire attention. Moi, j'espère, j'en sais rien, 5 minutes, 3 minutes, je ne sais pas. J'espère que je mène la lutte en interne Et petit à petit, j'espère qu'un jour ce sera de mon, encore moins. Et le direct, peut-être. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est déjà énorme d'avoir les pay-per-view tous les mois sur, sur AB1. Presque à l'origine. Ouais, presque en direct. C'est... Non, franchement, c'est énorme. À l'origine, Puissance Catch était diffusé le jeudi soir sur RTL9. Pour quelle raison vous êtes passé au mardi soir ? Il y a eu un changement par rapport à l'audience ou Franchement, à l'époque, je ne saurais dire. Mais en tout cas, ni Philippe ni moi nous sommes concertés dans les décisions de comment dire. D'horaire de diffusion, de jour de diffusion, on nous demande parfois notre avis, mais après ce sont des directeurs de chaîne, des gens qui créent des grilles de programmes, et c'est aussi quelque chose d'ailleurs que moi je maîtrise pas. Philippe, oui, mais moi pas trop. Et donc en tout cas c'est pas du tout de notre ressort quoi. D'accord. Et un jour on nous dit tiens ça va passer le jeudi maintenant. Parfois sur AB3 comme c'est en Belgique, on nous prévient genre une ou deux semaines après, alors que j'ai déjà dit quatre fois que ce serait tel jour et compagnie. Voilà. Donc c'est pour dire que nous on commente l'émission après la chaîne entre guillemets le diffuse et on fait ce qu'elle veut. D'accord. Vincent. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer à l'avenir avoir un RAW en intégralité sur la chaîne française, parce que je crois que c'est un format d'une heure trente. Et comme aux États-Unis, c'est 2h20 à peu près selon les semaines. Est-ce qu'on peut espérer avoir les 2h20 de RAW un jour sur AB1 Alors c'est, pour l'instant, c'est RTL9. Exactement. Hein, je suis corporate. Donc je rappelle que c'est bien sur RTL9 tous les mardis soirs. D'ailleurs, nous enregistrons cette émission un mardi soir et c'est à 22h25 ce soir même. Mais ça, vous en fichez puisque vous l'entendrez bien plus tard. Quoi qu'il en soit, je suis pas sûr que Raw soit un jour en intégralité sur RTL9. Ça l'a déjà été pour le 1000e épisode, où à l'époque, le groupe AB avait pris l'intégralité du programme, pour puisque c'était le 1000e, et les festivités, effectivement, pour ne priver personne du programme en entier. Là, je crois pas que ce soit d'actualité, d'autant que... sans non plus descendre le produit ou quoi que ce soit. Je trouve que les 90 minutes sont beaucoup plus condensées et souvent plus divertissantes au bout du compte que les 3 heures en entier. Quoi. On est complètement d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord. 3 heures, ça fait long pour un RAW toutes les semaines, sachant que des fois, il ne se passe pas grand-chose non plus. Puis il rediffuse beaucoup de choses qui s'est passé dans le show. Ça revient souvent, la vidéo d'un truc du segment d'ouverture, par exemple, va revenir beaucoup de fois dans le RAW de 2h20. La version internationale, elle est très bien, je la trouve cool. Moi. Voilà. Donc, je pense que même pour les gens en général, 90 minutes pour quelqu'un qui ne regarde pas du catch toutes les semaines, c'est faisable, ou pour une grande partie, mais après, plus loin, quoi, 2h, 2h30, en coupant les pubs, c'est vrai que ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous interdit de dire à l'antenne ? Alors, je parle bien sûr pas des injures, des choses comme ça, mais des choses bannies, comme par exemple le sujet CM Punk ou encore la TNA, des choses comme ça. Est-ce que vous avez le droit d'en parler ou pas ? En toute franchise, personne ne nous donne d'ordre particulier vis-à-vis de ça. Mais évidemment, en tant que fan de catch et Philippe, en tant que connaisseur au bout de 15 ans, on se doute bien que on va pas citer TNA ou CM Punk en plein programme. Mais encore une fois, personne nous le demande, mais ça me paraît logique. Et pour ce genre de choses aussi, j'essaie de me baser pas sur ce que j'écoute pendant les émissions, mais sur vu que je reste quand même fan de catch, en tout cas de la WWE encore aujourd'hui. Donc je regarde ce qui se fait, ce qui se dit. Je regarde parfois les RAW ou les segments, en tout cas avant qu'on les commande, juste parce que j'ai envie de les voir. Rapidement. Et donc, je me cale aussi sur la ligne directrice de la WWE et Philippe aussi, quoi. Donc, c'est vrai qu'on ne cite pas la TNA ou les concurrents, ou à part quand Punk avait cité à l'époque, justement, pour mettre tout en même temps et fauter une fois pour toutes, quand Punk avait cité dans sa fameuse promo la Ring of Honor ou la New Japan, me semble-t-il aussi. Là, il y avait une petite porte ouverte, donc pendant quelques temps, je me suis permis de citer. La New Japan ou ce genre de choses, mais sinon non. D'accord. La diffusion du catch de catch attack sur NT1 n'a cessé de se dégrader, passant du prime time puis en 2, puis 3, puis 4e partie de soirée jusqu'à 4h du matin. pour finir même jusqu'à 6h du matin. Je crois que ça finissait à la fin Raw et SmackDown. Pour finir par disparaître, quoi. Oui, pour finir jusqu'à disparaître. Ouais. Quel a été ton ressenti quand NT1 a décidé de stopper le programme, tout simplement? Est-ce que tu t'y attendais? Je m'y attendais, oui, quand même. Ouais, un peu. Je m'y attendais principalement parce que effectivement les audiences baissaient. Elles ont aussi baissé quand on était encore en prime. Mais ensuite, c'est effectivement les horaires qui baissaient. Et même quand on était après à 1h du matin, les audiences étaient même plus calculées pour NT1. Donc c'était vraiment une horaire juste pour pouvoir le diffuser une fois par semaine, parce que je crois qu'ils étaient contractuellement obligés de le diffuser. Donc dans mon état d'esprit, c'était effectivement une fin annoncée. C'était, à mon avis, et c'est ce qui a été confirmé par d'autres personnes, une volonté simple de la chaîne de changer l'image de la chaîne et de chercher plus ce qu'on appelle aujourd'hui les ménagères de moins de 50 ans, avec des programmes plus tournés vers les femmes. Et le catch, effectivement, ça apporte peu de public féminin, selon les chiffres de Médiamétrie, en tout cas. D'accord. Donc, voilà, c'était à la fois annoncé et même, je comprends... la décision des gens à la direction de la chaîne qui, effectivement, voulaient changer l'image de la chaîne et les programmes. Est-ce que tu regardes toujours la NXT alors qu'elle est plus diffusée en France? Elle était diffusée sur Action. Tu suis tout de même la NXT? J'avoue que je regarde de moins en moins et je le regrette. Ça n'a rien à voir avec les gens qui y sont impliqués, parce que il y en a de plus en plus connus, entre guillemets. Il y avait certains gars de la NXT d'avant qu'on, moi, je connaissais pas forcément d'où ils sortaient ou ce genre de choses. Maintenant, avec Kevin Steen et autres qui viennent de débarquer depuis peu, ça donne de plus en plus envie. La dernière fois que j'étais chez mon pote Ichetou, on a regardé quand même une partie du dernier, j'allais dire Takeover, mais il avait un autre nom cette fois, non? Takeover. C'était encore Takeover. C'était encore Takeover. Et qu'ils avaient changé. Air Revolution. Our Revolution. Ah, voilà. Ah. Notre Révolution. Voilà. Et donc, j'avais regardé ce show et j'avais énormément aimé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans une période de ma vie où je regarde peu de catch en dehors du produit pur que je dois commenter. Entre guillemets. Tu penses qu'il y a des chances? Je regardais beaucoup plus. Pardon? Tu penses qu'il y a des chances de revoir la NXT à l'antenne de nouveau sur une chaîne du groupe AB, ou c'est plus du tout d'actualité? Non, je pense pas. Dans la mesure où c'est diffusé sur le network et le network est diffusé mondialement, je pense pas qu'une chaîne de télé va acheter le programme à la WWE. Ok. Donc, on sait jamais, hein, mais ça serait pas très logique de la part d'une chaîne de télé de dépenser de l'argent pour un programme qui est déjà diffusé sur un autre format et accessible dans le même pays. Ouais, toujours sur NXT, mon ressenti, c'était que vous commentiez de manière plus smart sur Action pour ce programme-là. Est-ce que c'est un bon ressenti? C'était vraiment ce que vous vouliez faire passer à l'antenne? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une différence entre ces commentaires-là et les commentaires des shows comme Raw et SmackDown qui étaient plus grand public. On ne s'est pas du tout concerté avec Philippe, mais pour être très honnête, j'ai aussi le même ressenti, mais on n'en a jamais parlé avec Philippe aussi ouvertement, mais ça vient simplement de la différence du programme aussi. On s'est adapté, c'est une salle plus petite, moi ça me rappelait beaucoup la ECW, et je ne dois pas être le seul évidemment à qui ça rappelle ce genre de choses, puisque les chants, le public qui semble être toujours le même... Ils adoptent les personnages qui vont pas forcément être adoptés par le grand public, mais qui où ils leur trouvent quand même quelque chose. Et donc, je crois que naturellement, on est tous les deux effectivement passés à un truc un peu plus cosy et plus. Je sais pas si c'est franchement smart et je sais pas si on était pas moins con, pardon, sur Action, mais on était peut-être un peu plus calme et. Moins dans le NXT, c'est quand même un peu plus dans le sport que dans le divertissement. Alors que la WWE est un peu plus dans le divertissement que dans le sportif, même si en ce moment, ils ont des athlètes qui se dépassent énormément. Mais voilà, voilà mon explication et ma réponse, encore une fois, un peu confuse. D'ailleurs, en parlant de NXT, qu'est-ce que tu penses du parcours de Marcus Louis et Sylvester Lefort? Marcus Louis, justement, on s'est quasiment arrêté au moment où il s'est fait raser la tête et il a eu quelques petites mises en avant. Pour l'instant, malheureusement pour eux, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le push, comme on dirait, nécessaire pour montrer vraiment de quoi ils étaient capables. J'avoue que je connaissais pas du tout Marcus Lui avant la NXT. Je savais qu'il existait, mais je l'avais jamais rencontré, j'avais jamais rien vu de lui. J'ai failli le rencontrer il y a une dizaine d'années pour une tournée, et c'est marrant parce que justement ça implique aussi Sylvester comme la Rufa. On devait faire une tournée à La Réunion avec la ICWA et Marcus Lui était le français qui allait faire partie. On avait des Anglais, des Allemands. Et une semaine avant, je crois qu'il s'était cassé quelque chose. Et c'est Tom La Rufa qui revenait tout juste du Canada qui a fait cette tournée. Et c'est là qu'on est devenu pote avec Tom. Ça jouait peut-être à pas grand-chose qu'on devienne pote avec Marcus il y a 10 ans. Mais... Donc je sais pas trop. Je sais qu'il est très très bon et je regrette qu'il ne le mette pas plus en avant. Et pour Tom, c'est exactement la même chose. Je sais qu'il est très très bon et je regrette qu'il ne le mette pas plus en avant, qu'il l'utilise pas plus d'une manière ou d'une autre. Quoi. Sébastien, tu vas parler de quelqu'un que tu apprécies énormément. Ah oui, il faut que tu nous racontes la rencontre avec Vicky Guerrero. Je pense que c'est un des highlights de ta carrière, non? Un highlight de ma vie même, je dirais. la rencontre à Bercy, vous voulez dire, lorsque je l'ai interviewé? Ouais, oui, quand tu l'as interviewé. Bah, c'est une rencontre somme toute assez classique entre un homme et une femme, bien sûr. Non, mais j'ai eu la chance. Je ne sais pas si c'est une chance quand même que Chiro soit absent, ce qui a pu me laisser un peu de liberté dans le truc et de pas avoir partager. Oui, il était. Je crois qu'il avait pris des vacances. Ah d'accord. Où il était obligé de s'éloigner, donc voilà. Mais sinon, ça s'est passé en toute franchise quand même assez normalement. C'est-à-dire que c'était une interview assez classique, même si j'ai voulu jouer la chose à fond. Et elle était assez réceptive, mais après. L'interview s'est arrêtée, je l'ai plus revue jusqu'à grosso merdo, je crois, le selfie Hall of Fame. Après, il y a le côté gimmick, mais elle faisait la même chose, cette garce, pardon, avec le commentateur mexicain, comme je l'ai évoqué quelques fois déjà dans. Ah, ton ami. L'homme invisible. L'homme que tu cites plus. Mais exactement, c'est pour ça que j'ai dit le commentateur mexicain et que je ne l'ai pas appelé par son nom. Marcelo, je ne sais quoi. Marcelo Rodriguez. Voilà, El Patron. El Patron. Marcelo. Exactement. Non, bon, voilà. Justement, en parlant des interviews que vous réalisez avec Katchoff, on va revenir un petit peu sur Katchoff. Comment est venue l'idée de faire ce programme exactement? Comment est venue l'idée? C'était il y a quelques années de cela. Et en réalité, NT1, tout s'est goupillé, de manière un peu... je ne saurais dire, je ne trouve pas mes mots. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé et quand je parle beaucoup une journée, je perds mes mots le soir. Je suis désolé. Quoi qu'il en soit, je reprends. À l'époque, NT1 voulait passer des petites pastilles, avant les programmes. Et à l'époque, c'était en train de se faire lorsque NT1 a finalement été racheté par le groupe TF1 et a finalement annulé ces petits programmes parce que ça ne les intéressait plus d'avoir ce genre de choses. Finalement, avec le groupe AB, on a discuté avec les dirigeants de l'époque et ils ont souhaité mettre un peu plus l'accent sur nous dans la mesure où on ne pouvait pas avoir assez de superstars de la WWE pour en avoir chaque semaine parce que malheureusement, on ne les rencontrait qu'une fois par an et que les interviews, ça tient que quelques jours et ils voulaient capitaliser sur le succès du catch pour créer un programme autour, et comme il n'y avait pas de catcheur disponible tout le temps, en quelque sorte, ils ont rempli avec. Et comme il y a Philippe Chéreau, c'était vite très plein. Voilà. Non, mais voilà comment l'idée est partie de là. Au départ, c'était pas forcément des sketchs de cette manière ou ce genre de choses. C'est au fil du temps que ça a évolué vers ça. Mais nous, notre vrai souhait, c'était évidemment de faire plus de choses avec les superstars de la WWE, faire des interviews, certes un peu décalées, mais où on apprend quand même des choses, comme avec le Big Show, sur les échelles, une brillante idée de Philippe Chéreau. Celle avec Mark Henry était sympathique. Pareil, brillante idée de Philippe Chéreau. Il faut savoir que tous les catch-off qui ont l'air brillants, ou enfin de loin quand même, parce qu'aucun n'est vraiment, il faut être honnête. Mais c'est une idée de Philippe Chéreau. Cet homme est brillant. D'ailleurs, il réalise les catch-off. Oui, il réalise également les catch-off. Il est multicasquette, mais c'est vrai. Et sans prendre la grande tête, ce qui est quand même... assez beau. Tout à fait, voilà. Remarquable, je voulais dire. Je trouvais pas le mot. C'est pas possible. Hein. J'aurais pas dû parler autant aujourd'hui, je suis désolé. Il n'y a pas de quoi. J'aurais dû me préparer et ne rien dire. Renaud, Est-ce que tu es du genre collectionneur de catch? Goodies, DVD. Je sais que tu as des t-shirts, tu as déjà vu avec des t-shirts de la NWO par exemple. Mais est-ce que tu collectionnes du catch ou non? C'est pas ton truc. Pour être très honnête, j'étais très collectionneur de cassettes quand j'en avais, enfin, et quand c'était encore à la mode ou que ça marchait encore. J'ai effectivement plein de t-shirts. Je porte actuellement d'ailleurs un t-shirt de Stevie Richards. Je dois pas être, on doit pas être nombreux actuellement au monde à porter un t-shirt de Stevie Richards, mais j'en porte un. Goodies un peu moins, mais j'essaye de garder tout ce qui concerne le catch d'une manière ou d'une autre, ou mes voyages autour du catch, mes billets à WrestleMania, mes passes backstage, enfin j'ai mon passe WrestleMania All Access que j'ai mis autour d'une lampe dans mon salon que je regarde tous les jours. Pas forcément avec attention, mais que je regarde au moins une fois. Et j'ai plein de goodies comme ça, mais rien, plus vraiment de manière moderne. Je garde les magazines, les Planet Catch par exemple, et toutes ces choses, mais je cours moins après les objets aujourd'hui, je dois l'avouer. Vincent. Justement, grâce à Catch-Off, même avant, tu as rencontré pas mal de catcheurs depuis tes débuts au commentaire avec Philippe Chéreau. De quel t'as plus intimidé ou impressionné? Le plus intimidé, je dirais Ric Flair. C'était aussi parce que c'était en 2001 et que c'était genre le troisième catcheur que j'interviewais dans ma vie. Alors c'était effectivement très impressionnant. Intimidé en toute franchise, aucun. Booker T peut-être, mais c'est peut-être aussi parce que c'était en 2001, le même soir que Ric Flair, parce que au début de l'interview, il semblait très distant. À la WCW, les catcheurs n'étaient pas forcément dans leur personnage. C'était assez désorganisé dans les vestiaires et les catcheurs arrivaient comme ça. Oh, tu veux faire une interview? Ok. C'est pas du tout comme ça que ça se passe à la WWE. Et donc là-bas, les gars, ils arrivaient, bon, hop. Il commençait et au bout de deux minutes où j'ai dit un truc à Booker T, un peu genre sur mon ton méchant, mais avec une gueule de gamin de l'époque. Là, il a changé de regard et il m'a regardé de manière assez véhémente. Et j'avoue que dans mes souvenirs, je crois avoir pris peur. Mais sinon, après, c'est avec la WWE, c'est beaucoup plus professionnel et il n'y a aucun jeu d'intimidation ou ce genre de choses. La WCW, c'était en Allemagne ou en Angleterre? C'était en Allemagne. Ouais, c'était en Allemagne. Et c'est ce soir-là que Big Papa Pump a chopé Philippe Chéreau par la cravate. Exactement. Ouais. C'est aussi ce soir-là, oui. Une très belle journée en Allemagne. qui s'est tragiquement finie, hein, parce que je ne cache pas que ce soir-là, nous partagions la même chambre et le même lit avec Philippe Chéreau. Oh, dur. Et oui, trois heures après avoir interviewé Ric Flair, je dormais à côté de Philippe Chéreau. Croyez-moi que c'est du rêve au cauchemar. Aujourd'hui. Et voilà, du rêve au cauchemar. Ça prend encore plus de sens avec l'accent. Je n'ai même pas fait exprès en plus, je sais. Voilà, même de couverture au moins. Ou même pas. Un bout de courbature ce soir-là. Couverture. Comme Chéreau, il prend toute la couverture. Ah d'accord, ok, attention, parce que là, ça semblait partir vers des chemins qu'il ne vaut mieux pas prendre. Donc, non, la couverture, elle est très bien. Et soit dit en passant, et anecdote complètement stupide qui n'a aucun intérêt, mais j'ai quand même, pendant que Chéreau ronflait déjà à côté de moi, j'étais encore en train de zapper sur les chaînes allemandes pour voir s'ils ne diffusaient pas du catch. Couillon que je suis. Et ils en diffusaient ? Au lieu de dormir. Non, ils n'en diffusaient pas. Il n'y avait que des pubs pour des numéros de téléphone érotiques. Sébastien, qui a une question sur tes expressions assez Ouais, parce que mythiques. tu as pas mal d'expressions qui sont très caractéristiques de toi. Je pense par exemple à hashtag Marie-Antoinette Style, ou encore le dernier, c'est le fameux dans le poteau. Dans le poteau. Dans le poteau! Excusez-moi pour l'imitation. Faut que tu nous dis quand même d'où est-ce C'est que vrai ça qu'elle vient. était nulle. Heureusement que tu t'es excusé, Seb. Ouais, C'est vrai, je non, bah oui, m'excuse. il valait mieux. Pardon. Désolé. Et donc la Donc, question, pardon, la c'était question. Oui, vas-y. l'origine, d'où est-ce que tu sors ces expressions, quoi? D'où je sors le poteau, le poteau, le poteau. Alors, si tu avais lu l'avant-dernier numéro de Planète Catch, tu l'aurais certainement su. Peut-être que En les toute auditeurs ne le franchise, savent la. pas. Ben oui, non, mais je sais, mais c'est une manière également encore de faire de la publicité. Je suis devenu un sandwich sur pâte. C'est pas ce qu'on dit, mais maintenant je suis désormais un sandwich sur pâte. Un homme Homme sandwich, voulais-je dire. sandwich. Purée. Donc, bah, le poteau, ça vient, c'est vraiment stupide, hein. C'est la Coupe du Monde approchée et je me disais, il faudrait que je trouve quelque chose qui pourrait aussi être utilisé, pour des trucs de foot ou des conneries comme ça. Et je me suis dit, tiens, le poteau, le poteau, le poteau. Je n'ai même pas d'autres explications. J'aime bien ce que j'ai dit dans l'interview de Planète Catch, puisque, désolé, c'était aussi une question. Ouais, ça me vient, je crois, aussi un peu de Captain Caverne qui gueulait Capitaine Caverne! Et je me disais que peut-être le dernier poteau pourrait partir un peu comme ça, voilà. Je réfléchis vraiment à des choses bêtes quand je suis chez moi. Je suis pas très fier d'avoir vraiment révélé le secret du poteau, parce que là, c'est une histoire quand même assez triste, il faut être honnête. Non, faut pas dire ça. Tu sais, des moments de solitude, on en a tous eu dans notre vie. Oui, je sais, mais bon. Pas plus tard Ouais, que tout à l'heure pour c'est Sébastien quand il fait ton imitation sur le poteau d'ailleurs. Donc. je suis en pleurs Non, actuellement. c'était pas un moment de solitude, c'est une tentative désespérée de Ça. crier à l'aide. C'est ça. Par contre, toujours dans les expressions, tu ne te gênes pas au niveau des expressions alsaciennes, là, je vois, parce que moi je comprends ce que tu dis, notamment quand Dolph Ziggler porte son zigzag. Donc moi ça me fait bien marrer, mais les autres, ils comprennent rien, quoi. Donc, et pourtant, tu ne dis pas des jolies choses. Oh, je dis rien de grave. Enfin, le tic-tac, le tic-tac, c'est une chanson dans les clubs alsaciens. Enfin, moi, j'ai connu ça au basket club de Souffelweyersheim. Et sinon, les autres trucs, c'est quand tu dégnores, tu penses. Enfin, c'est rien de très. Non, il n'y a rien de très violent, quoi. Si, parfois, peut-être hors chelou. Bon, ouais, c'est vrai que. Oui. Mais bon, Romnette. c'est assez rare. Avant de voir, on est. Tout à l'heure, on parlait d'une anecdote avec Philippe Chéreau, avec la fameuse couverture, la fameuse nuit passée avec Philippe Chéreau. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter sur ton association avec Philippe, ou des anecdotes sur les coulisses de WrestleMania 30? Les anecdotes sur l'association avec Philippe et sur les coulisses de WrestleMania 30. Donc, comment ça se passe? On dort ensemble cette nuit ou enfin, bah, sur Philippe, il y en aurait 1000. Après, je ne suis pas sûr de celle dont je peux parler ou non. Parce que, Oh, tu peux non, tout mais dire. oui, je sais que je peux, mais le problème, c'est qui va l'entendre? C'est encore autre chose. Non, quoi, ouais, avec Philippe, non, mais il faut comprendre qu'avec Philippe, ça fait donc 15 ans qu'on travaille ensemble. Moi, j'étais un enfant quand j'ai débarqué là-bas. Lui, il était un jeune adulte. Aujourd'hui, il est père de deux enfants. Et moi, je suis toujours un enfant. Et oui, presque parfois, comme deux potes, comme un couple marié, comme truc. Il y a une époque où on se voyait plus que nos propres familles nous voyaient, puisqu'on se voyait tous les jours et plusieurs fois par jour. Mais, oui, non, j'ai pas d'anecdote précise. Après, pour les vestiaires de WrestleMania 30, c'était une expérience assez unique. C'était la première fois que j'étais dans les vestiaires de la WWE et que j'avais un pass backstage, où je pouvais aller n'importe où. Évidemment, comme je suis extrêmement timide, je ne suis pas allé n'importe où. Je suis prêt à rester où on m'a dit de rester. T'es Mais même pas allé dans les vestiaires des femmes. non, je pense que ça Oh. aurait été une première erreur. Enfin, je pense que je me serais vu retirer mon passe immédiatement et j'aurais pu rendre mon costume loué à Paris sur le champ, quoi. Je sais pas quoi dire forcément. C'était assez incroyable quand on est fan de catch de se retrouver dans un tel environnement où on a parlé une partie de l'après-midi avec Tom près de la régie où on était posé en attendant qu'on vienne nous chercher. Et tous les catcheurs passaient, disaient bonjour à la Rouf, qui était magnifiquement habillé d'un costume rose, je crois. Enfin, Tom a très vite compris qu'il fallait s'habiller de manière un petit peu outrancière pour attirer les regards. Et c'était, mais malgré tout, il était très bien habillé. Mais c'est pas quelque chose que j'oserais porter dans les rues à Paris. Mais lui, oui. Quoi qu'il en soit, c'était effectivement une expérience magique. Je n'en dis pas plus. Je sortirai évidemment tout dans un livre très prochainement en vente chez tous vos marchands de journaux. Ah, est-ce qu'il sera intitulé Merci pour ce moment? Ah bon, merci pour ce moment. Est-ce qu'il sera intitulé Merci pour ce moment? Ah pardon, non. Oh. Même si je comprends la référence, évidemment, mais enfin, ça fait quand même 6 mois. Il serait peut-être temps de changer de vanne. Là, c'est une vanne à la Chéreau, quoi. 6 mois trop tard. C'est ça. Mono, à toi. Ouais. J'imagine que ça devait être pour toi la consécration ultime en tant que commentateur de commenter à WrestleMania 30 en ringside. En tant que commentateur, ouais. En tant que ça peut, je vais aller même de manière encore plus loin et de manière encore plus stupide, presque en tant qu'être humain, non, enfin presque quoi, de me dire si, comme j'entendais au Ryback ou le Big Show aussi dans notre interview qui dit qu'il vient d'une petite ville et là il se retrouve à Paris. Moi je viens d'un bled de 6000 habitants en Alsace où les 3 premières années de ma vie je ne parlais qu'alsacien. J'étais pas franchement voué ou je ne sais quoi à être fan de catch et à en faire mon métier et me retrouver à WrestleMania. C'est Romain qui me disait ça le lendemain, parce que j'ai parfois aussi du mal un peu à réaliser quand des choses bien m'arrivent. Roméo, le catcheur qui est aux États-Unis maintenant, qui me disait te rends pas compte, il y a plein de gars qui n'ont jamais été à WrestleMania et toi tu as ton WrestleMania moment. Et quoi qu'il m'arrive désormais dans ma vie, bah, moi je pourrais dire que j'étais ringside à WrestleMania pour la défaite de l'Undertaker. Ah d'ailleurs, tu avais versé ta larme à ce moment-là du show. J'ai versé ma larme à ce moment-là du show. Oui, je me suis dit, pourquoi pas. Voronet, c'est mon côté adversaire, pourquoi pas. Et comment ça s'est fait? Vous l'avez su pas mal de temps avant que vous alliez aller à WrestleMania par le groupe AB, ou tu l'as su au dernier moment? Enfin, on l'a su au dernier moment, pour être très honnête. Ouais. Quand on était là-bas, moi-même, j'étais pas sûr. Une fois qu'on était à la Nouvelle-Orléans, moi-même, j'étais pas sûr qu'on serait ringside pour commenter. Ça a été une organisation assez longue avec le groupe AB et la WWE. Et jusqu'au dernier moment, moi, je pensais que la WWE ne changerait pas les tables de place et tout ça. Donc, je m'étais dit, on ira, on commentera peut-être dans la salle, mais pas ringside. Et finalement, on a commenté ringside. J'ai réalisé, je crois, la veille, quelque chose comme ça. Tu penses que c'est le fait qu'il y ait eu la bataille royale André le Géant et que ça soit la Nouvelle-Orléans, que c'est très français là-bas, que c'est un non, lien? Non, en réalité, c'était vraiment une volonté d'Abbé de nous envoyer là-bas parce que les pay-per-views faisaient vraiment des très très bons chiffres et pour tester pour tester cette situation entre guillemets d'avoir les deux commentateurs sur place et de voir si le public réagit. C'est vraiment AB qui a pris l'initiative. Après, ce sont des questions d'organisation, des questions techniques, parce que évidemment quand on est à Paris, on enregistre du studio à Paris, envoyer le son, les feeds satellites coûtent de l'argent. Ce sont des négociations de ce style-là technique qui ont pris du temps. Mais c'était le groupe AB qui voulait clairement nous mettre ces deux commentateurs au bord du ring pour offrir une expérience différente aux fans de la WWE sur ces antennes qui n'avaient pas encore été faites, quoi. Je parle bien, mais c'est pour le coup très sincère, c'est même pas un discours corporate, je tiens à préciser quand même. Et du coup, est-ce que c'est possible qu'on vous revoie aux abords du ring à WrestleMania 31 ou un autre WrestleMania? Ah ben, je le souhaite vivement. Après, les choses changent assez rapidement dans le monde de la télé. Et pour être très honnête, on est dans une période assez de crise, toujours. Et je crois que ça touche un peu plus en ce moment le monde de l'audiovisuel. Donc c'est vrai que les budgets se resserrent. Et moi, je le souhaite. Je crois que le groupe AB aimerait bien. Après, est-ce qu'on sera ringside? Moi, je suis du genre à attendre le dernier moment pour réaliser les choses. Donc pour l'instant, on est encore en WrestleMania. Et moi, j'aimerais bien. Mais je ne sais pas si ça se fera. Philippe aussi, il adorerait, évidemment. Sébastien. Avec Philippe Chiro, vous êtes régulièrement impliqué sur les outshows WWE en France. Dernièrement, notamment, vous avez eu une participation en tant qu'annonceur pour les Divas au show de Paris. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Est-ce que c'est vous qui faites les démarches? Est-ce que c'est les officiels qui vous contactent pour faire un petit truc? Enfin, je pense, comment vous faites? C'est généralement le CAB, la WWE, enfin nous, on, évidemment, auprès d'AB, on fait savoir, pardon, que il y a la tournée, qu'on veut faire des interviews et tout ça, bon, ça y est sans doute. Donc, groupe AB se met en relation avec la WWE. Et là, ils commencent à discuter de ce qui peut se faire, comment. Il faut savoir que la WWE, dans ces moments-là, met des superstars à disposition pour la presse, la presse écrite, la presse TV, la presse radio. On fait aussi partie de ces choses-là. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu interviewer Marc-Henri et le Big Show, quoique je crois que le Big Show, peut-être, c'était que pour nous. Ou Marc-Henri, c'était que pour nous. Mais enfin, ça se fait comme ça. Et ensuite, AB voit aussi s'il a un intérêt à ce qu'on monte sur le ring pour filmer des choses et dire bonjour au public. C'est quelque chose aussi que Philippe et moi particulièrement, évidemment, j'aime bien faire, mais souvent, quand on est dans la salle et qu'on fait rien, les gens nous demandent « Ah, mais quand est-ce qu'on vous voit? Qu'est-ce que vous allez faire ?» et sans non plus avoir la grosse tête ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que parfois, il y a quand même une partie des gens qui attendent de nous voir et de nous saluer, et nous, ça nous fait très plaisir de pouvoir les remercier d'être là et de suivre depuis autant de temps. Donc nous, on est toujours en demande. Après, ça se passe entre la WWE, le groupe AB, selon les besoins, les demandes, s'ils ont envie, parfois. Et voilà. Vous serez présent au show de Toulouse? Je n'en ai pas la moindre idée. J'espère, mais je n'en sais rien du tout. C'est pareil, c'est encore super loin. Moi, je n'organise... Enfin, peu de choses s'organisent aussi longtemps à l'avance, faut pas croire. Même si on est évidemment... À AB, ils commencent déjà à y penser et compagnie. Ça s'organise toujours assez... assez tardivement. Calmement, ouais, et souvent assez tardivement. Tardivement, pardon, ouais. Tu peux peut-être aussi nous dire un petit mot sur le FanFest de Planet Catch qui était en novembre dernier, au show de Paris. Une partie d'équipe était présente, d'ailleurs, à ce FanFest. Ouais, il y avait moi, il y avait Broussi et Pierre. Oui. Ouais, donc, est-ce que tu peux raconter... Bah, c'était une excellente expérience, pour être très honnête, et comme je l'ai également écrit dans Planet Catch, je m'attendais franchement pas à ce qu'il y ait autant de monde un jour de semaine, en après-midi, et j'ai été extrêmement surpris par le peuple présent, et j'aurais franchement aimé pouvoir rester beaucoup plus longtemps, et Philippe aussi d'ailleurs, on a passé un très très bon moment. Ce que j'ai dit après à Jérôme, justement, pour Ruth de Planet Catch, c'est que ça serait pas mal, une fois, de pouvoir le faire en dehors d'un show WWE, et là, en l'occurrence, on pourrait prendre plus de temps, parce que nous, malheureusement, je suis quelqu'un de très calme, je ne fais pas grand chose, je ne me disperse pas, je suis assez paisible, mais ces jours-là, on fait 1000 choses toute la journée, et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu rester plus longtemps. En tout cas, c'était une excellente expérience, et j'aurais aimé répondre à plus de questions et participer plus. D'accord. Tout le monde est mort. Oui. Non, c'est qu'en fait, on est. Je veux plus de quoi. Non, non, en fait, c'est qu'on t'écoute. J'ai toujours peur de couper. Ouais, pareil. Nous buvons tes paroles. C'est ça. Toujours à chaud. Et donc, je me saoule. Bonne. Je voulais refaire un grand, grand pas en arrière. À l'époque, avant que tu sois commentateur, est-ce que tu étais plutôt fan de la CW, de WCW ou WWF? Tu avais une fédération favorite? En toute franchise, pas vraiment. Enfin, ça dépend un peu des périodes. J'ai eu la WWF jusqu'à ce que la WCW débarque sur Canal et que je découvre la NWO, Sting... et que je me disais, oh, c'est... Et puis il y avait Rey Mysterio et Psychosis, et c'était en 97, ouais, novembre 97. Mmh. Et donc là, c'est la WCW, et puis un jour, genre 3 semaines après, je reçois une cassette de la ECW, c'était November to Remember, que j'ai regardé avec un ami comme un fou, et c'était la ECW, et puis ensuite, j'ai revu la FMW, je dis, ah, c'est la FMW. À une période comme ça, je vais, où je regardais toutes les fédérations en même temps, j'avais pas forcément de fédération favorite, je regardais le plus possible et le, plein de choses différentes. Et bon, bah, aujourd'hui, là, c'est évidemment la WWE. Et aussi parce que c'est vrai que je regarde principalement ça, même si je regarde pas mal leurs chiffres quand même. Bah c'est justement la question que, j'allais te poser. Est-ce que tu regardes d'autres fédérations en dehors de la WWE dans ton temps libre? Est-ce que tu as du temps pour regarder autre chose, peut-être du catch japonais ou je sais pas? En toute franchise, j'ai le temps, mais je regarde peu d'autres choses. C'est quelque chose que je dis depuis de longues années, donc peut-être qu'il y a des gens qui l'auront déjà entendu, mais quand moi-même j'étais, je faisais ma newsletter, Roméo, aujourd'hui donc le catcheur aux États-Unis que vous avez, je crois, déjà interviewé aussi. Non? Exactement, ouais. Très bon moment d'ailleurs avec quelques mois de cela. Il avait une rubrique dans ma newsletter et c'était les vannes de Blondin et de Le Tourneur, les commentateurs de la WCW de l'époque. Et moi j'étais également en contact avec Blondin et on discutait et j'avais posé la question. Qu'est-ce qu'ils pensaient des autres fédérations? Ils me disaient, ah, moi, je regarde que la WCW, je peux pas. Et je me disais, mais purée, comment il peut regarder que ça? Il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, quand je suis dedans, là, maintenant, depuis 15 ans, je me rends compte qu'effectivement, ça, c'est très compliqué de se remettre à un autre catch. J'ai tenu le coup pendant longtemps parce que il y avait la ICWA et j'essayais de regarder de l'indie pour suivre les catcheurs, me renseigner sur ce qu'allait venir et ce genre de choses. Et puis maintenant, petit à petit, je regarde quasiment que de la WWE. Il y a quelques mois de cela, je me suis fait un peu de nostalgie japonaise en regardant des Kawada Misawa que j'avais pas vu depuis longtemps et j'ai essayé les Okada. Mince. Comment il s'appelle l'adversaire Okada Tanahashi. Tanahashi, voilà, exactement. Okada, Tanahashi, j'ai vu leur série de matchs et pendant quelques jours, j'ai regardé un peu de catch différents, mais ça m'arrive vraiment rarement. Je regarde vraiment beaucoup de vieux trucs. J'aime beaucoup OSW Review sur, c'est pas que sur YouTube, mais sur Facebook, ils ont leur site aussi qui, oui, refont des vieux pay-per-view en podcast, vidéo. Et j'aime beaucoup regarder ce genre de choses. Voilà. Oui, c'est très très bon. J'adore moi aussi. Tu nous as parlé un peu des CWA. Quel est ton rôle actuel à l'ICWA, s'il y en a un? Je n'ai plus aucun rôle actuellement à la ICWA. À l'époque où la WWE était très très populaire en France et que la ICWA tournait aussi beaucoup grâce à ça, vu qu'il y avait plein de fans, les gens étaient un peu plus dans les salles aussi. Et la WWE m'avait fait demander à AB que j'arrête de commenter en live parce que ça, ils pensaient que c'était une association d'images et compagnie, donc je m'étais rangé à leur décision, puisqu'il fallait bien que je garde mon emploi. Et voilà, et à partir de là, c'est vrai que je me suis éloigné de la ICWA quasi totalement. J'essaie de participer quand je peux ou quand j'ai vraiment envie, que c'est exceptionnel. Pour un show comme ça, c'est pas. Voilà. Mais malheureusement, je ne participe plus à rien, pour être très honnête, de la ICWA aujourd'hui. Est-ce que tu as suivi les deux shows qui ont eu lieu en mai dernier? J'ai pu suivre, j'ai pu suivre par internet, les résultats, mais je n'y étais pas, non, malheureusement. J'aurais bien aimé y être, mais je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait à cette période-là, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il y avait Orchi toujours avant. Mais voilà. J'ai suivi, évidemment, mais je continue à suivre, je reste en contact avec Booster et on se parle régulièrement et je suis par internet ce qui se passe et je continue à suivre, évidemment, les carrières de Peter Fischer et Lucas Di Leo, notamment, qui réussissent de mieux en mieux sur la scène européenne. Mais je m'implique plus, personnellement, je veux dire, en tout cas, je ne prends aucune décision et voilà. J'aurais fini 95% de mes interventions par « et voilà ». Gros défaut de langage qui n'a pas lieu d'être dans ce genre de choses. « Et voilà !» Et puis Peter Fischer et Lucas Dillier, d'ailleurs, qu'on avait eu aussi en interview il n'y a pas longtemps. Il y a un mois, sur notre page YouTube. Demi, ouais. C'est ça. Exact. Comme toutes les autres interviews qu'on a faites avec Roméo et Ian Colby aussi en parallèle. Bien évidemment. Sébastien, tu as une question sur le retour. Ouais, on voulait aussi savoir qu'est-ce qui t'avait poussé, pardon, à faire ton retour à l'antenne après ton départ inattendu de 2011. Si tu peux revenir brièvement sur cette expérience, Cette enfin période, expérience, sur cette sur période cette noire. période. Pardon, Sur cette cette période expérience. noire. Ah, cette période noire. Qu'est-ce qui m'avait poussé à faire mon retour? En toute franchise, peut-être un meilleur dialogue avec mon entreprise et puis aussi un peu de réflexion, d'apaisement. Je suis quelqu'un d'assez particulier, il faut être honnête. Parfois, j'explose sans, non, pas sans raison, mais en tout cas, parfois, j'explose, mais je reviens assez rapidement à la raison, mais il me faut un peu de temps parfois. Mais voilà, c'était une période pas si noire, c'était assez amusant. Un peu rock'n'roll, quoi. Parce que on est resté quand même sans nouvelles de toi sur les réseaux sociaux pendant tout le temps de ton absence. Il y a eu un tweet, il y a eu un tweet en fait, c'est tout, et qui nous a laissé sans voix. D'ailleurs, ce Ah ouais, jour-là, CM Punk m'a tout volé, il faut c'est être ça, honnête. c'est ça. Ah ouais, sauf que je n'ai pas épousé Jelly. Oui. Malheureusement, j'ai pas eu le. Là, j'étais un petit peu près. Trop tôt. Je suis venu trop tôt. À 2 ans près, j'ai épousé Jelly, quoi. T'as raté quelque chose du coup. Bah oui, en l'occurrence, oui. Bah, regarde, je bosse de nouveau avec Chiro. Là, il a épousé Jelly, il signe à l'UFC. Moi, je suis retourné avec Chiro, quoi. Je veux dire, j'ai loupé plus qu'un truc, à mon avis. J'ai dû louper le train en entier, là. Il est passé devant moi, j'ai rien vu. Le Royal Rumble, c'est dimanche, c'est en direct sur AB1. Qui est ton favori pour la victoire finale de ce show grandiose qui est le Royal Rumble? J'aimerais beaucoup Daniel Bryan, je pense Roman Reigns, mais après, comme chaque année, je me dis on sait jamais, ils vont peut-être nous sortir un truc très surprenant. Mais voilà, moi j'aimerais bien Daniel Bryan, Ryback? j'aimerais bien revivre le rêve. Non, merci. Même si je n'ai rien contre le monsieur, non, j'ai pas envie de Ryback en main event de WrestleMania. Mais Je merci de comprends pas demander, hein, que c'est gentil. c'est parce que c'est le Comment? catcheur favori de Gus, donc Oui, forcément. je suis le seul fan de Ryback qui ose encore s'assumer en France. C'est pour ça. Ah non, mais moi je l'aime bien, mais pas pour le main event de WrestleMania, quoi. Moi, j'ai rien contre lui. J'aime bien commenter ses matchs, mais voilà. Main Comme event de ça, je pense. WrestleMania, faut pas pousser quand même. Ryback. C'est ça. C'est le message que j'essaie de Oh, faire t'as bien passer. eu Ça peut pas Batista. ne pas. T'as bien eu. Ouais, mais Batista, c'est autre chose. Dans une feud Batista, construite avec Triple H, l'évolution, quoi. c'est. Voilà, c'est ça. Là, pour son premier main event, c'était quand même, effectivement, c'était un an de. Enfin, même Voilà. deux, non, hein? Un an et demi de Une bonne année, ouais. Oui, une construction. bonne année, oui. Bah, les programmes à l'époque n'étaient pas franchement divertissants, mais ça a permis de construire. Parce que l'évolution qui dominait chaque semaine, c'est pas forcément plus ouf et plus fou que l'autorité aujourd'hui C'est sûr. qui domine méchamment chaque semaine. C'est pour ça que je reste optimiste. Je me dis que tout ça va quand même sortir des mecs entre Rollins, Roman Reigns et Dean Ambrose. Enfin bref, je suis assez enthousiaste pour une fois dans ma vie. Tu sais déjà si tu vas commenter comme l'an dernier, c'est-à-dire avec un écran qui diffuse au direct et l'autre écran qui diffuse pour les commentaires français, tu sais déjà si tu vas faire comme ça? Non, pourquoi? On avait fait comme ça l'an dernier? Il me semble avoir entendu ouais, que tu avais le direct sur un écran et donc après avec le décalage d'un quart d'heure, tu savais déjà ce qui allait se passer avec 15 minutes d'avance, quoi. T'arrêtes de piquer en bière, ça va. C'est Non, moi qui. mais c'est possible, c'est arrivé une ou deux fois par entre guillemets accident. Mais je me souviens pas précisément que c'était pour le Rumble de l'année dernière, mais non, depuis longtemps. On a un deuxième écran qui peut diffuser ce genre de truc, et une fois c'était un truc de la régie qui s'était planté, qui diffusait ça dans le deuxième écran, mais ça fait longtemps que ça n'arrive plus. D'accord. On va faire maintenant une petite série de questions qui s'appelle un petit peu le que penses-tu de telle personne, de telle actualité? Ça va durer, ça devrait être assez rapide. Alors, que penses-tu de Brock Lesnar champion, mais absent et encore absent? Eh bien, je trouve que c'est une honte. qu'il soit pas à tous les Raw, bon, ça va. Quand j'étais plus jeune, on voyait Hulk Hogan qu'une fois par mois et encore, quoi. Mais qu'il n'ait pas fait tous les pay-per-view, là, je trouve que c'est un vrai problème. Ça, je pense que c'est vraiment dommageable. Le départ soudain de CM Punk pour le MMA, pour l'UFC. Le départ soudain de Punk, c'était visiblement son choix et il l'a assumé, donc il a très bien fait pour lui. Visiblement, il a gagné, donc il fait encore ce qu'il veut. Et son départ au MMA, vu comment il est fan, je pense qu'il fallait un peu s'y attendre. J'y connais pas grand-chose en MMA et en UFC en particulier, mais visiblement, de ce que j'en lis parfois, les gens qui sont étonnés qu'il ait une place directe. De combattants sans avoir jamais combattu et compagnie, mais encore une fois, Ah mais s'il a été. Oui, honnêtement, pardon. si un punk à l'UFC, enfin, il va se faire dégommer la tête, hein, c'est sûr et certain. Enfin, quand Non, on pourquoi voit pas, il a des. quand même une base de jiu-jitsu, on sait pas hein, dans la catégorie où il va Ouais, être. je pense qu'il sera dans la catégorie pardon, light heavyweight, et dans la catégorie light heavyweight, il n'y a pas n'importe qui, quoi. On a des gens comme Chuck Liddell, comme John Jones, Alexander Gustafsson, qui sont des lutteurs d'exception. Donc. Ouais, mais après il a prévenu qu'il n'allait pas affronter non plus les plus gros noms dès le départ, il va Ah monter l'échelle. oui, non mais c'est normal après, hein, mais Et oui. cela dit, il a suffisamment d'argent pour se payer aussi Oui, c'est des pas faux. entraîneurs compétents et il Oui, a c'est pas faux. du temps pour s'entraîner. Si, enfin, c'est quand même quelqu'un qui, avec le physique qu'il a, arrivé au sommet de la WWE, ça montre quand même une certaine volonté, une certaine envie de réussir ce qu'on commence. Et il est peut-être possible qu'il se transcende et qu'il fasse une surprise. Mais cela dit, de toute façon, quelques matchs qu'il fasse, je pense qu'ils auront des achats en pay-per-view ou je ne sais pas Oui, sur sur leur son chaîne. nom, Là, oui, sur sur rien que sur le nom CM je pense Punk, oui, que c'est sûr. là, voilà, ouais. Donc c'est économiquement, je pense que de toute façon, c'est un mariage qui va profiter À l'UFC, à la à fois au Dana sport White. et à lui. Donc The New Day. Ce groupe de lutteurs assez oui, spécial. merci, oui. Tu Il m'expliques à moi est qui comment le toutes les New Day, quoi. semaines? Quand même, quoi. Non, moi j'aime bien les trois. Bon, Xavier Woods, je connais un peu moins. Je sais qu'il était à la TNA, mais j'ai pas franchement suivi ce qu'il faisait. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des gimmicks pour les propulser au sommet, mais au moins ça donne des matchs à 3 contre 3 aussi cool que ce qu'on avait ces dernières années, donc c'est déjà ça. Mais c'est clair que je vois pas bien, à part effectivement à un moment les faire passer heel et ça peut leur donner une certaine profondeur ou quelque chose, mais pour l'instant ça a l'air juste d'être le côté enthousiasmant de Raw, un peu le remplaçant Brodusclé. du Funkadactyls, voilà, ouais, de Brodus Clay, ce genre de choses. Ouais. Qu'est-ce que tu penses aussi de The Ascension? Bon, je suis pas franchement fan. Je ne les aimais pas beaucoup à la NXT parce que c'est vrai que c'était souvent les matchs les moins amusants à commenter et même parfois à regarder vu que c'est que de la démolition. Mais peut-être que j'ai plus le bon âge pour ça. Moi, j'adorais les Demolition quand j'étais petit ou les Powers of Pain vu que j'étais très WWF. Donc peut-être que les Jeunes, enfin les plus jeunes, vont plus apprécier. Mais moi, je suis pas très impressionné quoi. Leur finish est bien. Le reste. Le reste, Moi, bof. je préfère Cesaro et Tyson Kidd, par exemple. Ah oui, mais on est deux. Parce qu'on n'est pas que deux d'ailleurs, hein, ici. Hein, ici. Bah oui, c'est clair. Non, il n'y a pas que deux, non. L'arrivée de Sting à la WWE lors des séries, quelle était ta réaction? Eh ben, j'ai été, enfin, pas très étonné, malheureusement, parce que comme tout le monde, on avait quand même dans le coin de la tête. On pensait qu'il était là, mais enfin c'était quand même la 20e fois en 2 ans que Sting devait débuter à la WWE ce soir-là, donc on finissait quand même par plus trop y croire, mais oui, ça a été un choc et à un moment Je crois avoir dit la date et l'heure lors du commentaire. Oui, c'est ça. Donc c'est j'ai ça. Oublié. Mais j'ai oublié la date. 20... Non, bah non, j'allais dire 25 janvier, mais c'était en novembre. Mesdames et messieurs, lundi 24 novembre, 4h58 heure française, The Stinger, Sting est à la WWE. Sting est de retour. Ton avis sur Sami Zayn, et après on finira le que penses-tu d'eux par une autre question. D'accord. Je suis très fan de Sami Zayn. Je connais Spudro et le Generico. Là. Je l'ai pas vu catcher tant que ça, mais je l'ai toujours rencontré en Belgique. Là. J'ai commenté un show avec Marc Blandin, comme ça. Là. Ben, j'étais là, puis il m'a dit on a besoin de quelqu'un. Je commentais avec lui. Et Sami Zayn est venu voir Blandin, puis il a fait. Salut Marc, je suis très content de te rencontrer, je suis si fier là. Et ben il a tout ça donné son nom à l'époque. Et voilà, je l'ai vu combattre contre Tajiri et Shelton Benjamin. Et puis, c'était un bon match, c'était plaisant, c'était bien le fun. Et donc c'était une garçon sympathique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer avant WrestleMania là, dans une soirée, puis il était là avec son petit chapeau là. Puis il était très étonné que ça soit populaire en France et puis il m'a dit que Larufo était un mec sympathique, mais pour fou un peu bizarre. Je donnerais pas plus de détails, là, parce que ceux qui connaissent pas peuvent pas savoir. Mais... Voilà. En gros, c'était un très, très bon lutteur. Il a l'air très sympathique. Et je souhaite qu'il ait vraiment une longue carrière à la WWE. Voilà. Même en québécois, je termine par voilà. Et enfin, donc, on pouvait pas citer l'intronisation récente. En t'accueillant de Randy Savage au Hall of Fame. Presque versé ma larme quand j'ai lu, entre guillemets, le spoiler, enfin l'annonce de la WWE sur Internet dans l'après-midi. Et le lendemain matin, j'ai encore une fois presque versé ma larme. C'était la première chose que j'ai fait le matin en me levant. Je ne suis même pas sorti de mon lit. J'ai pris mon ordi qui n'était pas loin et je suis allé sur YouTube chercher le clip de l'intronisation, quoi. Et j'ai... C'est trop tard, malheureusement, c'est ce qui me laisse quand même un goût amer. Mais oui, je suis quand même très content, et même à 34 piges, je reste touché par un truc aussi. Mais bon, que voulez-vous? Il m'a accompagné tous mes samedis soirs, ou presque, pendant des années, jusqu'à la WCW. Et c'est vrai que ça reste un personnage important dans ma petite vie. Voilà. Il sera intronisé par Hulk Hogan, si je ne dis pas de bêtises. Non, oui, par Hulk Hogan. C'est ça. Exactement, les Mega Powers que j'ai vu se séparer sur Canal+. Comment oui, j'étais là moi aussi. J'étais là aussi. Toi aussi. Ah, ah bah, mais oui. il est un peu vieux, Renaud, comparé à nous. Ah bah dis donc, comparé oui, à vous. Non, comparé à toi, il est jeune par contre. comparé à Chiro, c'est un enfant. Oui, voilà, c'est ça. Et allez, on va terminer donc ce podcast par l'interview décalée de Vincent. Il en a créé 5 petites questions décalées. Bizarrement, il y en a pas mal sur l'Alsace. Peut-être parce qu'on veut faire un clin d'œil à Sébastien. Donc, je vais commencer par une première question. Comment vous vivez sous le contrôle de l'Empire russe en Alsace? Comment on vit sous le contrôle de l'Empire russe? comment ça se passe l'intégration de l'Alsace à l'Allemagne? Ils veulent pas aller à l'Alsace. Ah, l'Allemagne. L'Empire russe, pas russe. Qu'est-ce que vous pouvez dire russe? Russe. Oui, mais russe, c'est mon micro. Avec un P, et... comme dans Petit Penny, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mon micro n'a pas voulu dire d'accord. Ce petit P. Oh, les questions. Moi, je sais pas ce mais on le vit parfaitement bien. On est ravis de, pour ceux qui fument, de payer leurs cigarettes moins chères en Allemagne et d'aller très facilement à la Oktoberfest tous les ans à Munich. Pour chanter et boire des pintes de 1 litre de bière et scander avec beaucoup de joie Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein, zwei, Schiffe. Voilà. Deuxième petite question. L'addiction au picon, est-ce que c'est un vrai problème en Alsace ou c'est juste notre Alsacien Sébastien qui nous ment pour justifier son alcoolisme? Je crois que c'est une vraie addiction en Alsace. Alors, mais pour être très honnête, moi, j'en bois très très peu. J'en bois même très rarement. Je suis pas du tout fan de picon, mais effectivement, tous mes potes boivent du picon. Donc, je pense que c'est. Mais le picon, enfin, en tout cas, en Alsace, on parle souvent aussi d'amère bière. Et il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui vient de l'Afrique du Nord. Ça a été ramené par les pieds noirs, qui est. Enfin bref, sachez en tout cas que ce n'est pas particulièrement alsacien. Hein, si tu devais racheter le Racing Club de Strasbourg, quel serait ton budget? Puisque quand il a été racheté il y a quelques années, c'était pour 1 € symbolique. Ah bah non, bah, moi ce serait un budget illimité, quoi. Moi je ferais déjà directement revenir à Alexander Mostovoy, hein, à qui je donnerais le numéro 10, quel que soit son poids actuellement, tant pis, je prendrais le risque. Et peut-être oui, Pascal Nouva et Xavier Gravelaine, même si Xavier Gravelaine, quand il jouait chez nous, je ne l'aimais pas beaucoup. Non, bah, j'espère qu'un jour le Racing Club de Strasbourg revienne en Ligue 1, mais je l'espère pas non plus. Voilà, je reste réaliste. Entre Franck Leboeuf et Cesaro, quel chauve choisirais-tu? Quelle chauve choisirais-tu? Eh ben, j'ai rencontré les deux, plus souvent Cesaro que Franck Leboeuf. Je dirais Cesaro, même si Leboeuf nous a rendu fiers et j'ai eu l'occasion un jour de lui dire « Merci Franck pour le Racing Club de Strasbourg ». Il m'a dit « Ok, mais là je vais me barguer, laisse-moi tranquille. Ok, pardon. Et une dernière petite question. Vivre 15 ans avec Philippe Chéreau, ça tient du miracle ou vous avez un secret? J'ai bien peur que ce soit un miracle. Le miracle de l'amour. Pour rester corporate. Eh bien, on t'en remercie, Philippe. Philippe, Christophe. Oh bah bonjour, quoi. Oh, purée. Insulte, quoi. Je veux dire, dans le Hall of Fame des insultes immédiatement, quoi. Oh, purée. Après tout ce temps, quoi. Je viens de foutre en l'air un mardi soir, quoi. Je vais voir des gens, je leur dis, oh, ça va pas être trop long. Il est 21h33. Près de 2 heures comme ça, et avec beaucoup de gentillesse et de sympathie, j'ai essayé de rester calme, malgré le niveau de vos questions. Et à la fin, on me traite de Philippe Chéreau. Non, mais pardon, mais excusez-moi, c'est quelque chose que je ne dirai jamais à l'antenne, mais là, je vous le dis, mais touche mon pénis, quoi. C'est ma manière à moi de montrer ma désapprobation à l'envers de tout ça, à l'encontre de tout ça. Alors, je vais la refaire. Bon mieux. Ah non, on ne la refait pas. Je veux que ce soit diffusé dans l'intégralité là. Ah oui, non, mais ça sera diffusé, t'inquiète pas. Ouais, ça, c'est carré. Quelle honte. Quelle honte. On te remercie, même Christophe. Si Chéreau lui-même. Bah ouais, merci. Merci à vous. Voilà, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et on rappelle donc que tes chroniques sur Planète Catch. Donc, le catch aussi sur RTL9 le mardi soir, enfin ça dépend, après le film généralement. Après le premier film, ouais. C'est ça. Après le film. Le mardi soir après le premier film, exactement, aux alentours de 22h30, parfois 22h50, ça dépend. Consultez vos téléhoraires. C'est ça. On te rappelle également Main Event le vendredi soir, suivi de SmackDown, une rediff de SmackDown le samedi soir. À 19h maintenant, en fin d'après-midi, remettre SmackDown et Main Event. D'accord. Et donc. T'as bien bossé les dossiers, quoi. Donc, le mec, ça fait 1h30 qu'il interviewe Philippe Chéreau. Il n'a pas une horaire de bonne. Donc, c'est le vendredi matin à 17h, je crois. juste après les chiffres et les lettres. Merci. Non, mais vraiment, j'ai été interviewé par pas mal de bras cassés. Je dois être honnête. Vous n'êtes pas loin d'être au top niveau. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Donc, c'est le vendredi soir à 20h30 sur AB1 et rediffusion en fin d'après-midi sur AB1 également à 19h. Mais là, je suis même pas sûr moi-même. C'est pour être très honnête, ça a changé depuis peu. Et également en Belgique, le lundi WWE Raw et le samedi Main Event et SmackDown en fin d'après-midi également. Et n'oubliez pas les pay-per-view une fois par mois aux alentours de 2h10. Et les rediffusions des pay-per-view qui sont passées du lundi au samedi. Au samedi, exactement. Et tu vois que j'ai bossé mes dossiers. Oui, oh, ça va. On ne fait pas le malin, là. On baisse la tête dans ce moment-là, quand même. Eh bien, écoute, merci, Christophe, de nous avoir accordé énormément de temps sur ton Oui, sur cette nuit, oui. cette nuit, ouais. Juste avant qu'on aille regarder Raw quand même, en plus. Donc on te remercie encore une fois, mille fois, merci pour tout ce que tu fais pour le catch français. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation et tu peux revenir nous rendre une petite visite quand tu veux. Nous t'accueillerons Oui, avec plaisir. bah, avec grand plaisir. Oui, sauf que moi, je ne peux pas vous joindre. C'est vous qui avez mon numéro. Oui. Donc maintenant, je suis foutu. Je suis comme une jeune fille qu'on ne rappellera jamais. Quoi qu'il en soit, bah non, merci à vous et pour être très honnête, de rien. Je fais de mon mieux et Philippe Chéreau également. Et j'espère qu'on va avoir encore de belles heures de catch à commenter et j'espère que vous resterez fidèles à RTL9 et à B1 et la WWE. Voilà. C'est tout Bisous. pour le moment. Ah non, je voulais pas dire ça, je regarde pas toute la story. Mais je voudrais quand même terminer sur un bisou à tous et merci de votre fidélité, amis téléspectateurs et auditeurs de Wrestle Radio. Allez, on va pouvoir se quitter sur un petit peu de chansons catchesques. Et on se revoit très vite. On se revoit la semaine prochaine avec le débrief du Royal Rumble. Et bien évidemment, soyez au rendez-vous. Ça sera en live en plus. Allez, ciao. La bise.